Chacun fait son pain, chacun fait son beurre, on ne partage rien, à part sa mauvaise humeur. Il faudra bien oublier nos peurs, si on veut. Bon, chacun pour soi, bon, ça va de soi. Faudrait faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Oh, oh. Individu. Oh,